Yo, c'est JB, JB, en dédicace, dédicace pour tous les gars de Paris. Un jour j'y arriverai, yo, à l'au bout de mes rêves, de mes pensées, yo. Vivre, profiter, arrêter d'esquiver la réalité. Chaque jour qui passe, je veux kiffer, yo. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. À Paname pour s'amuser, faut être blindé ou faire partie d'une cité. Moi je fais partie d'aucun parti. C'est pour ça que je veux quitter Paris, la ville de l'ennui, la ville du tracas. C'est triste mais c'est comme ça. Crois-moi mon gars, le gaz nous rend mongol. Il bouche nos alvéoles et ça commence dès l'école. Il est temps pour moi de partir, assurer mon avenir avant que mon cœur se déchire, se déchaîne, brisons nos chaînes. Yo yo, dur d'habiter en banlieue. Yo, dur d'avoir qu'un parent sur deux. Yo yo, dur de nos jours de croire en Dieu, dur de devenir vieux. Je veux faire un petit vœu, je veux que tout le monde soit heureux. Tout le monde doit profiter de sa life, on doit devenir moins naïf. Le système est mal fait, je le sais, mais y'a des failles, faut les trouver. Yo, yo, yo, les jeunes se promènent avec des couteaux. Si tu t'embrouilles, tu finis à l'hosto. C'est leur boulot, c'est mon topo. Quand je te parle, je suis sincère, comme un douze bien viscère. Yo, yo, c'est pas une morale que je suis en train de t'expliquer. C'est juste le constat de la société. À quoi, pour s'épanouir, faut être mauvais. Arracher les sacs à main sans pitié. Yo, yo, dur d'être honnête dans ce monde. Yo, dur d'affronter la tempête quand elle gronde. Dur, dur de joindre les deux bouts. Dur de rester debout. Dur de raisonner les jeux du quartier. Dur d'éviter un taureau en train de charger. Dur de rester calme face à un condé. Dur de pas prendre le bus quand il est trop bondé. Yo, yo, yo, yo, GB, GGB, représente Paris. T'inquiète, un jour j'arriverai à Pesky. Un jour j'arriverai à Pesky.